بسم الله الرحمن الرحيم. الحزبية يا اخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله، وعدم النصح للحق والسنة، وعدم الوضوح. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter سلسلة الفوائد والنصائح المختصرة. Série de brefs conseils donnés par Mounir ibn Ahmed al-Maghribi. حفظه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله أكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم هذا تقدم أن الله عز وجل إلى فين الدين بتقول. سأصد موت après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام انتهى. Personne doit rajouter ou enlever ou أعوذ بالله. الآن الكفار ils ont une محاولة كبيرة في هذا. الآن en France مثلا من زمان ils essayent de mettre comme ils appellent l'islam de France. Ça c'est quand même باطل. الدين اللي كامل الإسلام c'est إسلام النبي عليه الصلاة والسلام سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث العرباض عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. ويقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. فكم من آيات هذا، كم من آيات. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالدين الكامل سدين النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف الآن تدخل بعض الكفرة il faut changer certaines choses, il faut un islam de France. Pour ça c'est quand même farajé, ça c'est du kufr billah. Allah il dit aliyoum akmaltu lakum dinakum, hommes ils viennent ils disent non, il faut qu'on mette un islam de France, pas de hijab, pas d'adhan, pas de jihad, tout en sur le dîner ils veulent l'enlever. Eux c'est un islam wal'iyadu billah, tu fais chez toi faqat. T'es un musulman, fais ce que tu veux chez toi. Amma dehors, non. Ce qu'ils appellent la laïcité, la démocratie, kada. Aïe dehors, tu ne dois pas faire apparaître ça. Ah, ça c'est du kuf. Les amma hada, ta'ti, les sharia et l'islam. Plus de hijab, plus de kada, plus de kada. Ça n'est pas bien, les musulmans, n'est pas bien. بعض الناس يسعون جادين في هذا عن إسلام دي فرنسا إنو فكذا إنو فكذا إيش يعني إسلام دي فرنسا يعني إسلام دي اليمن. اليوم أكملت لكم دينكم، ديني لواحد لا religion elle est une. On est en France, on est au Yémen, on est au Maroc, on est en Indonésie, on est din, c'est din. Ma femme doit mettre hijab, tu dois faire salat, tu dois adorer Allah seul, tu dois suivre le prophète. Écoutez, si tu peux pas, elle est hijab comme on avait hier. Amma tu peux pas et t'inventes un din Islam de France. هذا الظلال. فانتبه. سأسموك أن الكفار يبون بقى تسوح. يبون بقى تسوح تتوهي دي. نو في فرنسا يبقى الإسلام. رانت شتوى. المسلم يبقى شلوه في صوتي. أما هم انظر كيف يفون. غش شنو باتمت الإسلام دي فرنسا. سيبقى الإسلام دي فرنسا دي كفر. Il n'y en a pas de hijab. Tu dois pas détester les autres. Kadwala, Padbara, les juifs, les chrétiens, les musulmans, c'est tous les mêmes. Ça, c'est Aïn al-Kufr. Et c'est ça leur islam de France qu'ils veulent. Fantabi, il n'y a pas d'islam de France. Il y a din Rabb al-Alami. Inna din inda Allah al-Islam. هذا الإسلام من الله. أما un نجس un كافر un ملحد il vient et il veut nous montrer l'islam de France. من أنت أيها الخبيث تكي أنت pour nous montrer الدين. أنت un كافر بالله عز وجل. Comment أنت tu vas venir et tu vas nous montrer bon l'islam de France c'est ça. من أنت t'es un مسكين t'es un ضعيف t'es un خبيث عندنا t'es un ظل. فكيف نحن on va prendre الدين de toi tu vas nous montrer. نحن on a un كتاب on a une سنة on a le Coran et on a le Sunnah et on a des ulama. C'est eux qui nous montrent. Mais t'as aucun poids pour nous. T'as ce jama'a à l'adhan hal, t'es khalif in nar. Je parle des kuffars qui veulent essayer d'emmener hada. Mais le muslim qui suit ce qu'il ne sait pas, ça l'a abou d'y entabé. Et ça c'est une adrar. L'iqama fi belad al-kuffar. Le mal qu'on a vu hier, c'est ça. Annaka undur, tu viens avec eux, ils vont t'emmener un nouveau din, si tu ne fais pas attention, c'est grave. فالدين اللي كامل لا أحد يبين وغاشوطة ونقص كائن من كان دين اللي كومبلت نحن نكوك أدخل خوطن تكو هذا. أما واحد يبين دينا إسلام دفخون نوت رفعان إسلام دبلجيك نوت رفعان إسلام دمادري إيش سكوا هذا نحن هنا دين on est à la basira min amrina nahnu alhamdulillah on sait ce qu'on fait on a un dîn on a un rasoul on a des ulama on a des livres amma un farig vient nous dit islam de France a'oudou billah et on va voir l'islam que le nabi nous a montré tout le khair il est dedans et tout le shar il nous l'a montré qu'est-ce qu'un khair vient nous dit là قال الشيخ العثيمي رحمه الله تعالى اي ان دينه عليه الصلاه والسلام باق الى يوم القيامه فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد بين للامه جميع ما تحتاجه في جميع شؤونها انظر النبي صلى الله عليه وسلم il est mort il nous a tout montré tout ce qu'on a besoin c'est de dire salat hajj adan hijab on doit détester les kuffar on doit aimer les musulmans on doit amr bil ma'ruf il nous a tout montré كيف واحد يبيع له دينار il faut un islam de France ça c'est adib et l'ajab c'est que les musulmans ils suivent ça c'est encore adib c'est encore plus étonnant amma celui les kuffar يعني les responsables en France les kafara ils essayent de faire ça amma l'adib c'est des musulmans ils sont là-bas ils essaient de faire ça c'est adib ça c'est adib يا أخي ouvre les yeux أنت ما أدري on dirait que tu vis dans une autre planète أنت الآن ouvre les yeux الدين il est كامل personne n'a le droit de venir et rajouter عالم من علماء السنة عالم من علماء السنة s'il nous amène un قول et le prophète il n'a pas fait on n'accepte pas عالم كم من أقوال مثلا شيخ الألباني ودينا سقون وبخبا شيخ بن باز وبخبا شيخ الإمام أحمد قبلهم وبخبا مثلا شيخ خالف دليل يا خلاف وبخبا وبخبا وبخبا وبخبا دليل ما بالك دي كفار يلو إنو ديز وما فغن إسلام دفع نحن مثلا نتخ دين إنو دي ودو إيم المؤمن ودو دتست الكافر لا ديمقراسي المين تدين نو vous êtes tous des frères نحن دي العالم c'est pas comme un جاهل la démocratie elle vient te dire non العالم الجاهل c'est pareil on est tous égaux on est tous égaux وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي on est des abdes et on doit adorer Allah on n'a pas le choix la démocratie elle vient te dire t'es libre c'est ce que tu dis la démocratie c'est du coffre c'est un tarot qu'ils ont inventé les muharabat de l'islam il n'y a pas de démocratie il y a dîn Allah al-haq dîn Allah al-haq la taqtar bil kuffar il faut peur la taqtar bi aula yom qiyama on va être tous devant Allah azza wa jal fasbir ya akhi il n'y a pas de démocratie il n'y a rien al-haq c'est l'haq nous on est des ibad lillah et on l'adore et on a un prophète qui nous a montré ça c'est le muslim amma le kafir il a la démocratie c'est qui veut le kafir kuffar c'est un kafir amma un muslim là t'as un dîn ne te fais pas voir par un kafara toi t'es un dîn t'es makhlouq et Allah il t'a montré pas par un kadavik la vague faut être libre la laïcité t'es ce qu'elle a me faire va pas avec tout ça un tata ab قال الله قال الرسول هذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أنت تسأل المؤمن أنت تبلشوا تبلشوا الله يتموت السيلة أخدني إن شوز لي أو صبح فتح صلى الله عليه وسلم تبلشوا تأبلجي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أنت تمأمور تأخدني تبلشوا بهذا وبعد dans le système des kuffars on est libre on fait ce qu'on veut là ça c'est du kuffar billah azza wa jal قال وكل ما امر به فهو خير للامه في معادها ومعاشها وكل ما نهى عنه فهو شر للامه في معاشها ومعادها الان ايها المسلم تدبر هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم tout ce qui t'a montré c'est pour ton bien اما الكافر ce qui te montre c'est pas pour ton bien الكافر ودوا لو تكفرون Rappelez-vous de l'aïe hier. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu deviens kafir. Amma al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il veut, lui, veut t'emmener dans le Jannah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi, c'est une rahma. Amma haoula, c'est atba' al-shayatin. Yad'u hizbahu li yakounu min ashabi al-sa'ir. Al-shaytan, il appelle ses partisans pour qu'ils vont dans le feu. Fa'antan tabi, les kuffars, ils appellent au nord. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelle au khayr. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a montré le tawhid, il t'a montré le gada. Ils disent non, le haq c'est kada, il faut faire kada. Ils veulent que tu vas faire le nar. Fantabih. Al Nabi sallam, tout ce qu'il t'a montré c'est khayr. Et le mal il t'a montré. Fais suis Nabi si tu veux le khayr. Ma'a tahiyyati dammaj afaq.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Al-hadar min ar-rukun ila adh-dhalama min shi'ah aw hizbiyyin. La tarkan ilayhim. Haula ith'abi.